S'amuser se dit divertirsi. Divertirsi. Mot à mot, se divertir. Le si à la fin correspond à notre se, mais en italien, il se place à la fin du verbe. Divertirsi, se divertir, s'amuser. Le i qui est juste avant, divertirsi, indique qu'on est en présence d'un verbe en ire. Donc, divertirsi va se comporter comme n'importe quel verbe en ire. Partire, par exemple. Et mi, si, etc. vont se placer devant le verbe quand on dira « je m'amuse », « il s'amuse », etc. Comme en français. Donc, si vous voulez dire « je m'amuse », ça donnera « diverto ». Non, « mi ». « Mi diverto ». C'est ça. « Mi diverto ». « Mi diverto ».« Mi diverto ». Voilà. « Mi diverto ».« Mi » équivaut à « me » dans tous ces emplois. « Vous me regardez »,« vous me parlez », c'est-à-dire « vous parlez à moi », mais aussi au sens de « moi-même », comme dans notre exemple « je m'amuse ». Autrement dit, « j'amuse moi-même ».« Mi diverto », c'est « je m'amuse ». Et comment dit-on « m'amuser » à l'infinitif ? Divertirmi. Voilà, divertirmi. Avec le mi accroché au R de divertir. Divertirmi. Et donc, je veux m'amuser ? Voglio divertirmi. Voglio divertirmi. Oui. Et je m'amuse. Mi diverto. Mi diverto. Et au futur, je m'amuserai. Mi divero. Divero. Non, l'infinitif c'est divertire et non pas divere. Divertiro. Encore une fois en entier. Mi divertiro. Mi divertiro. C'est ça. Et on insiste sur la terminaison, sur le dernier son. Mi divertirò. Comment diriez-vous « je m'amuserai » au conditionnel ? Mi divertirei. Mi divertirei. Tout à fait. Une phrase plus longue maintenant. Dites « ce serait très intéressant » et « à mon avis, je m'amuserai ». Intéressant se dit « interessante », tout simplement. Sarà molto... Comment avez-vous dit ce serait? Sarà. Serei. Non. Sarei, et non pas serei, c'est je serai. Ah. Sarebbe. Sarebbe. Sarebbe. Molto interessante... Interessante. Sarebbe molto interessante. Mm-hmm. Sarebbe molto interessante. Et à mon avis, mot à mot, selon moi, je m'amuserai au conditionnel. Rappelez-moi d'abord comment on dit selon moi. Secondo me. Secondo me. Secondo me. Secondo me. Et secondo me, je m'amuserai. Divertirei mi. Comment? Divertirei. Non. Me divertirei. Ce n'est pas me, c'est. Mi. Mi divertirei. Mi divertirei. C'est ça. Mi divertirei. Mi divertirei. Donc, on a mi. Pour traduire « me » et même « je me ». Pour « il se » ou « vous vous », on a « si », « si », « si ». Donc, comment feriez-vous pour dire « vous vous amuseriez » et d'abord pour dire « vous vous » Si. Si. amuseriez. Si divertirebbe. Oui, c'est ça. Si divertirebbe. Si divertirebbe. En ce qui concerne nous, on emploie ci. C-I. Ci. Nous avons déjà vu le mot ci pour parler du lieu, au sens de i ou la. Mais ci peut aussi signifier nous. Et donc, comment diriez-vous, nous nous amuserions? Ci divertiremmo. Bien, ci divertiremmo. Divertiremmo. Nous nous amuserions. Et qu'est-ce que ça donnerait au futur? Nous nous amuserons. Ci divertirem... Non. Ci divertiremo. Non. Ci divertiremo. Ci divertiremo. C'est ça. La terminaison du futur qui correspond à nous est remo. Remo. En insistant bien sur le « et ». Remo. Mais au conditionnel, c'est « remmo ». Remmo. Avec deux « m ». Bon, revoici une phrase que nous avons déjà vue, mais cette fois, c'est avec « nous ». Dites, à mon avis, selon moi, nous nous amuserions ce soir. Secondo. Secondo. Secondo me. Mm-hmm. Secondo me. Ci. Ci, oui, c'est ça. Ci divertiremmo stasera. Secondo me, ci divertiremmo stasera. Bien.